Nouvelle doublette à venir dans l'aspect française, Cold Decay. La seule nouveauté de la sélection française de ce soir, Cold Decay nous sort un EP éponyme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle formation que l'on rentre dans l'émission de ce soir? Ça nous vient de région parisienne, on est sur du hardcore pure sauce, donc un premier EP 5 titres. Au passage, le groupe a eu l'occasion de se retrouver sur le label anglais Quality Control. Sur ce label anglais, on retrouve notamment un des nouveaux fleurons de la scène anglaise, Pest Control. Du hardcore bien colère, old school, typé New York hardcore. Ça riff bien comme il faut, hein, c'est pas ultra bateau. Et un vocaliste au timbre assez proche du gueulard que l'on peut retrouver chez Vision of Disorder. En doublette du sale Gorruptier de le groupe de One Man Band qui nous fait du Brutal Death Gore Grind, Mortician Worship même. C'est pas du tout une honte de faire le rapprochement, au contraire, hein, c'est un gros plaisir qu'a Rémi de rendre hommage à la musique de Mortician. 10 titres, chacun fait 2-3 minutes, il faut compter pas loin d'un tiers de sample par morceau, l'hommage est total et parfait. Voilà, Gorruptied à s'écouter d'urgence. Cold Decay, le titre Crystal Silence, Gorruptied Tribe Feast, extrait de l'album du même nom. C'est parti. Thank you. referme le chapitre hexagonal de ce soir avec une toute dernière doublette. Broken Ankles, tout d'abord, le groupe de beatdown américain qui nous vient du nord de la France. Et oui, mais c'est tellement bien fait qu'on sent les grosses vibes US derrière la musique de Broken Ankles. Une sortie, mine de rien, sur le label Death Farm Records pour ce premier EP Learn in Pain. On s'écoutera le morceau Falls. Et on a ouvert l'aspect française avec les locaux de Totterfish, et comme on aime beaucoup l'album et que c'est des copains, on les met bien en avant. On va donc clôturer cet aspect française avec un autre morceau de Totterfish, Petwas Call, extrait toujours de l'album Aspidocalon. C'est parti. retour à la diff internationale avec tout d'abord Tomb Mold, un groupe, c'est pareil, très très très en vogue à l'heure actuelle, et en même temps la qualité est au rendez-vous. Ça nous vient du Canada, on est sur du death bien inspiré, death un peu prog, un peu tech, un peu atmo, à la sauce Blood Incantation. Voilà, c'est très créatif et très dynamique, ce death que nous propose Tomb Mold. Une sortie, à ne pas s'y tromper, chez 20 Buckspin Records. Voilà, un petit peu plus de temps pour sortir ce quatrième effort studio en 2023. Voilà, et puis bon, on perd pas de vue que c'est du death, ça reste frontal et bien old school. Move, ensuite, formation de hardcore qui nous vient de Boston, une signature Triple B, coucou la qualité. Un premier EP a vu le jour en 2021, ils sortent là leur premier véritable album studio. Hardcore forcément vindicatif, engagé, ultra vénère, avec des breaks à décorner un zébu. On retrouve parmi les guests Aaron et la vocaliste cogneuse de Zulu, Christine, si j'ai pas mangé son prénom. Enfin voilà, c'est une scène vraiment très très mouvante américaine qui se rejoint, qui se renifle le cul et qui envoie du sale. Enduring Spirit, l'extrait qu'on va s'écouter, Servants of Possibility. Black Radical Love, le nom de l'album de Move, et on s'écoutera le morceau One Million Experiment. C'est parti. We'll be right back. Et la doublette à venir nous rapproche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir. Misere Luminis Fossilization, ensuite Misere Luminis, formation black metal qui nous vient du Québec, du Black Atmo formé en 2008 par des membres de Gris et autres Sombres Forêts. Ils viennent là de démouler leur second album studio longue durée, hein, un très très long laps de temps entre les deux albums, hein, 14 ans. Le line-up n'a pas bougé, 5 titres, 4 d'entre eux qui font entre 7 et 13 minutes, donc voilà, c'est très contemplatif, à la fois très rugueux, on reste sur cette sonorité vraiment propre au black québécois. Fossilization ensuite, du Death Doom qui nous vient du Brésil, actif depuis 3-4 ans maintenant. Ils sortent là leur premier album studio, une sortie Everlasting Pure Records. Ça fait partie de ces petits labels comme Twenty Buckspin que l'on suit de très très près parce qu'il n'y a que la qualité au rendez-vous. Voilà, deux membres qu'on retrouve chez Jupiterian également. Là, on est sur du death, un peu d'inspiration Lovecraftienne, à la sauce pour les passages les plus violents, Incantation et autres Spectral Voice. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette à venir. Misere Luminis, De Venin et Dos, extrait d'album Ordali. Fossilization, Oracle of Reversion, extrait d'album Liprous Decay. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà dispo. Thank you. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, avec une toute dernière nouveauté, Gridlink. Vous allez forcément en entendre parler, si c'est pas déjà le cas, de cette formation, voilà, puisqu'il en faut, de Technical Grindcore, qui nous vient du New Jersey. Ils sortent là leur quatrième effort studio, une sortie Willow Tip Records. Le groupe a déjà donc une belle expérience, hein, puisqu'il a été actif pendant 10 ans entre 2004 et 2014. Trois albums ont vu le jour à ce moment-là. Il y a eu ensuite un split, et le groupe est revenu aux affaires l'année dernière, et donc la nouvelle effort studio. 11 titres pour 19 minutes, coucou le grindcore. Cependant, il est sur quelque chose d'ultra chaotique, technique, mais très bien maîtrisé. C'est hyper frénétique, hein, dans l'approche, hein, un espèce de bon crossover entre Peak Destroyer et, vous l'entendrez, des inspirations Warm Rot. Et côté line-up, on retrouve des ex et actuels membres de Phobia, Maruta, Kill the Client, etc. Du bon gros line-up, en gros, du côté de Gridlink. Et en doublette, on s'écoutera un petit titre de Faced Out, le groupe de hardcore espagnol, qui sera présent demain soir dans l'antre du Canadian, une soirée Something for the Youth, 5 balles, 19h30, au Cana, pour pousser les murs. Un titre extrait de l'album In the Essence of Solace, on s'écoutera le morceau Upward Animosity, et donc juste avant ça, Gridlink, Ocean Vertigo, extrait de l'album Coronet Juniper. C'est parti. Et on va se quitter avec une dernière doublette bien vilaine, bien méchante. Une doublette de rediff de groupe qu'on s'écoutait un peu plus tôt dans l'émission. Marduk, venu de Suède, le groupe de Black qui nous sort son 15e effort studio. Memento Mori, on s'écoutera un titre toujours aussi cool, hein, Marching Bones. Et Cryptopsy, ensuite, qui nous vient du Grand Nord canadien, As Gomorra Burns. Un petit peu de Tech Death pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, une sortie Nuclear Blast. Et donc, on se quitte avec le titre Flayed the Swine. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, concert demain soir au Canard. Bye.